Cher Père Noël, après la messe de minuit, je vous attendrai pour célébrer la fête de minuit. Signé Marie-Madeleine. Il ne comptait plus les lettres de femmes esselées et avait l'intention de répondre à leurs demandes. Il les appelait avec tendresse les femmes de lettres.